Chapitre 9e, le retour. Le divin pachyderme avait de nouveau besoin de soins, ses étapes prolongées, sa colère tendant à rouvrir ses crevasses. Tungug, le voyant fiévreux, abattu, se hâta de le panser de son mieux avec de l'eau fraîche et des plantes, et le surlendemain de son arrivée au pied des monts Poursat, eut la joie de constater que l'appétit lui revenait, et avec l'appétit, les forces, la santé. C'est qu'il ne fallait pas plus le laisser mourir de maladie que dans quelque catastrophe, sous les griffes, les crocs des tigres, que sous les coups de chenapan du genre de ceux qui composaient l'escorte de Chantaboun, car sans lui, rien n'existait plus des splendeurs féeriques rêvées, qui d'un jour à l'autre devaient devenir des réalités. Sans lui, plus de princesse Ma, plus d'amour, plus de bonheur, plus que le désespoir et la mort. Brûlant du désir de toucher au terme de son voyage si long, si pénible, si accidenté, Tungug employa tous les moyens en son pouvoir pour arracher son compagnon aux délices champêtres de la dernière halte, et ayant réussi, reprit sa marche, le front tourné vers l'Occident, en sortant souvent des forêts pour chercher des yeux quelques villages, quelques bourgs, où il put annoncer la grande nouvelle, réclamer la protection dont il sentait de plus en plus l'utilité, et commencer à goûter les douceurs de sa réussite. Enfin, un matin, par un temps d'une incomparable beauté, il entra dans la ville de Muang Cabin, qui est située à 8 ou 10 journées à l'est de Bangkok, et où l'animation est vive à cause des mines d'or qui sont exploitées dans son voisinage. Son apparition subite, à laquelle personne ne s'attendait, produisit l'effet d'un coup de foudre. En un clin d'œil, la population entière fut sens dessus-dessous. Des milliers de Siamois, de Cambodgiens, de Laotiens, de Chinois, mineurs ou trafiquants, se précipitèrent au-devant de lui en faisant retentir l'air d'acclamations enthousiastes. Le mandarin, gouverneur de la ville, immédiatement averti, courut le recevoir au nom du roi, avec le respect et les honneurs dus à son rang, et sans perdre une minute, des messagers furent expédiés à Bangkok pour instruire Sa Majesté de l'heureux événement et prendre ses ordres. Tungug marchait auprès du pachyderme comme un triomphateur, pensant à la princesse Ma et croyant déjà qu'il allait la voir apparaître conduite par son illustre père, qui lui serait permis de presser sa petite main adorée et de lui exprimer par ses regards et ses larmes l'ivresse de son cœur. Les cris de la foule prosternée sur son passage, les applaudissements bruyants qui le saluaient de quelque côté qu'il tournait la tête, faisaient courir dans tout son corps des frissons d'orgueil et de plaisir. « Voilà celui qui l'a découvert !» répétait-on en le montrant du doigt, en agitant vers lui des langoutis, des écharpes de soie ou de coton. « Qu'il vive longtemps, qu'il vive heureux avec la fille du roi qu'il va épouser. Gloire à lui, gloire à lui !» Au centre de la ville, le gouverneur s'agenouilla devant le saint éléphant, jeta sa boule de bétel, joignit les mains et pria le divin seigneur de daigner le favoriser, lui, chétif, de sa présence dans sa demeure. Le pachyderme, ne comprenant pas la supplique, se tourna vers l'Indien comme pour lui demander ce qu'elle signifiait. « Le seigneur éléphant blanc accepte !» répondit Tungug d'un air cordial qui enchanta tout le monde et d'une façon spéciale le gouverneur. La demeure gouvernementale était proche. Elle contenait une grande écurie en bambou pour les deux éléphants privés du haut fonctionnaire, immédiatement évacués par les pachydermes vulgaires, balayés, garnis de paille de riz. Cette écurie fut ouverte à l'éléphant blanc qui entra sans se faire tirer l'oreille, content d'y trouver un abri contre le soleil et une copieuse provende que des esclaves apportèrent par brassées et qu'offrirent les plus riches habitants. Invité par ces derniers et par le gouverneur, Tungug refusa l'hospitalité qu'on mettait de toutes parts à sa disposition, déclara qu'il ne se séparerait pas de son très saint seigneur et voulut continuer à partager la table et le logement de celui-ci. On respecta sa détermination, et pour lui témoigner l'admiration qu'inspirait sa découverte, dont le royaume de Siam devait profiter du nord au sud, à l'est et à l'ouest, on lui envoya des volailles, des poissons, du riz cuit, des pâtisseries, des fruits, des liqueurs, avec lesquels il se refit joyeusement de ses jeûnes passés. Pendant que le pachyderme sacré et l'Indien, à l'abri sous une habitation humaine, festinaient de compagnie et se reposaient de leurs fatigues, pendant que la population se pressait devant la demeure du gouverneur dans l'espérance de les apercevoir l'un et l'autre, la nouvelle de leur présence à Muang Cabin, se propageait de village en village jusqu'à la capitale où des messagers officiels l'apportaient. Est-il jeune? Est-il grand? Est-il beau? Est-il de noble race? A-t-il bonne apparence? Est-il marqué des signes célestes? Demandait-on partout où les sergents de police, les naïmouettes, annonçaient la fortunée capture. Il ne s'agissait pas de Tungug, mais de l'éléphant. Quelques-uns, cependant, s'occupaient aussi de l'Indien. Il va épouser la fille du roi. Il va posséder une province. C'est un mendiant. Un pauvre portefeuille. Quel changement dans sa destinée. Bouddha eut pour lui des faveurs sans pareil. Pourvu qu'il les mérite. Souhaitons-le, disait-on dans divers groupes. Puis on se disposait à recevoir dignement, à fêter au passage le seigneur animal, dont la seule vue devait combler chacun de bienfaits, tout en propageant des fables fantastiques sur sa capture et son arrivée à Muang. Après 3 jours de bonne chère et de calme, durant lesquels les offrandes en parfums, en nourriture, s'accumulèrent contre les parois de son écurie, l'éléphant blanc, précédé par Tungug, étendu dans un chariot attelé de 2 buffles, abrité contre les rayons du soleil par d'énormes parasols, accompagné de gardes commandés par le gouverneur et de 12 éléphants bruns privés portant des fonctionnaires, des notables et 2 talapoins de la ville, suivit majestueusement le chemin de Bangkok, salué par les vivats d'une foule compacte, par les sons de cymbales, de tambours, de gongs et les détonations de boîtes, de fusils, de pistolets. Les étapes étaient préparées. La route, reconnue dans toute son étendue, surveillée par des détachements de paysans, devait être facile. Le départ s'effectuait dans des conditions qui permettaient de prédire un voyage favorable et rapide. Rapide, il ne pouvait l'être assez pour Tungug, qui aurait voulu voler à la cour et appeler ardemment la princesse Ma, la fée de ses songes, son unique pensée. Pour Tungug, qui sur son chariot comptait impatiemment les heures, faisait et refaisait 100 fois, du matin au soir, dans son cerveau en ébullition, le tableau éblouissant du sort qui l'attendait, lui, poussière, lui, vers de terre, dans la capitale du royaume. Le trajet, commencé au milieu de l'allégresse générale, ne fut entravé par aucun accident. Des hommes, envoyés en avant, taillaient en forêt les branches qui auraient gêné au passage le pachyderme fétiche, ou choisissaient en plaine les terrains non détrompés par les pluies, non effondrés par les inondations, et les marquaient avec des balises. À chaque étape, le cortège se grossissait de quelques fonctionnaires de rang supérieur montés sur un éléphant brun, et des mandarins servaient à l'animal sacré des gâteaux sur des plats d'or. Tout le long du chemin, les fourrés, les jungles, les cours d'eau étaient battus pour en éloigner les carnassiers, les reptiles, dont la vue aurait pu effrayer ou troubler l'illustre seigneur, à qui il ne manquait guère que d'être porté en palanquin pour avoir tous les honneurs réservés au prince du sang en voyage. On avait quitté Muang Kabin depuis 15 jours, lorsque les éclaireurs de la caravane, qui comprenait 500 personnes et 80 éléphants ordinaires, signalèrent au loin la flèche de la grande pagode de Bangkok. Tungug eut aussitôt un violent battement de cœur, et sans qu'il sût pourquoi, une vague crainte l'envahit. D'esclave, devenir maître puissant et honoré, de la hutte infecte du mendiant passer dans le palais parfumé du roi, de la rue s'élever au trône, ne sont pas des transformations qu'on subit froidement. Il était donc naturel que notre héros éprouva un certain effroi à leur approche. D'autre part, ne pouvait-il pas redouter qu'on manquât aux promesses faites? Si au lieu de lui donner la princesse Ma et les richesses qui lui étaient dues, on la renvoyait avec une gratification de 100 ou de 1000 tiots? Une semblable récompense ne devait-elle pas suffire pour un misérable comme lui? À cette pensée, son sang se figea dans les veines et son front se couvrit de sueur. « Attendons, » fit-il palpitant. « Si on me trompe, je me tuerai. Voilà tout. » Bangkok est bâti au centre d'une immense étendue d'alluvion, dont rien ne romprait la plane monotonie, si une végétation luxuriante ne l'encombrait d'espace en espace. Quand on entre dans la capitale siamoise par le Menam, soit qu'on vienne du nord, d'Ajutia, soit qu'on vienne du sud, de la mer, de Pakam, l'impression est profonde. Ces innombrables maisons flottant sur l'eau, cette animation extraordinaire du fleuve, ces palais, ces pagodes aux clochetons découpés en dentelles, s'élevant dans les airs du milieu de gigantesques bouquets de verdure, ces matelots, ces bateliers ramant ou chantant, cette population remuante et bruyante, groupée le long des rives ou montée dans des barques et se croisant dans des canaux qui coupent la ville, vous transporte au pays des songes. Quand on avance vers Bangkok par la voie de terre, le panorama n'est plus le même. D'un côté, rive droite du Mae-nam, ce ne sont que huttes de bambou, marais et jardins. De l'autre, rive gauche, celle sur laquelle se trouvait le cortège, c'est une muraille crénelée, garnie de tours, de bastions, protégeant des palais royaux ou princiers, des pagodes de revêtements de porcelaine, de verre. C'est un amas architectural d'une grandeur imposante, mais qui ne laisse pas supposer la cité aquatique qui s'étend derrière. Près de la muraille, aux abords de certaines portes, le terrain est découvert et uni. Le roi, entouré d'un bataillon de gardes et des principaux seigneurs de sa cour, attendait, en dehors de l'une des portes, l'éléphant blanc. « Le roi ! Le roi ! » s'écria-t-on d'un bout à l'autre de la caravane, dès qu'on découvrit sa majesté et son escorte. « Le roi ! » répéta Tungug en pâlissant. Les tambours, les cymbales, les gongs résonnèrent, les mandarins, les fonctionnaires mirent pied à terre et marchèrent en tête de la colonne pour aller s'agenouiller devant le monarque et lui présenter l'éléphant tant désiré. L'Indien était avec eux, tremblant, ému, plein d'espoir et de crainte à la fois. Tout allait-il se passer loyalement? Sa Majesté lui donnerait-elle la princesse Ma, les esclaves et la princesse solennellement promis? À 50 pas du prince, tout le monde se prosterna. Les éléphants bruns même, commandés par leur cornac, fléchirent les genoux. Seul l'éléphant blanc demeura debout. Le roi s'inclina, souhaita la bienvenue au fétiche et le pria de vouloir bien entrer à Bangkok où il serait traité royalement, où tout était disposé pour le recevoir, palais, personnel, esclaves, liste civile. Le pachyderme sacré regarda le monarque d'un air équivoque et se battit les flancs avec sa trompe pour chasser les mouches qui l'incommodaient. « Et il consent !» exclama un prince de premier rang, accroupi auprès de sa majesté, pour lequel les balancements de trompe n'avaient point de secret. Une rumeur de satisfaction roula dans l'escorte royale et dans la multitude qui se pressait au pied des murailles. « Sire, dit alors le gouverneur de Muangkabin en s'approchant en rampant, voici celui qui a découvert le divin seigneur. » Le roi daigna baisser ses regards sur l'Indien prosterné. « Ah ah, dit-il froidement, appelant suite du geste un de ses ministres. « Emparez-vous de ce coupable, ajouta-t-il, en donnant l'ordre du départ et en remontant dans son palanquin. Tungug voulut protester, crier. On ne lui en laissa pas le loisir. Des gardes l'enlevèrent, le garrottèrent et l'emportèrent en un instant sans que personne s'intéressât à lui et pendant que l'éléphant blanc, qui paraissait avoir oublié son ami, entrait dans Bangkok précédé par le roi et acclamé par une population en délire.